En Corée du Sud, des formations de toutes les couches, telles que les ouvriers, les paysans et les pauvres, ont constitué la direction de lutte pour la mobilisation générale de la population de 2016, apprend-on du journal d'internet sud-coréen Tongnyeos. Une conférence de presse relative à la fondation s'est déroulée le 20 à la salle de réunion de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques. Les orateurs ont souligné que l'on ne peut pas laisser telle quelle la politique répressive du pouvoir de Park Geun-hye avant d'inviter toutes les couches sociales à la mobilisation générale de la population pour mettre un terme au pouvoir de Park Geun-hye et au parti pour un nouveau monde. À la conférence de presse, il y a eu la lecture d'une proclamation constitutive sur l'ouverture de la nouvelle mobilisation générale de la population prévue le 12 novembre prochain. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen Économie Asiatique, en date du 15, a fait paraître un article contre le pouvoir de Park Geun-hye qui a causé l'effondrement économique et l'échec de la vie populaire, alors que le Conseil des familles 16 avril et la Solidarité 16 avril de Corée du Sud ont accordé le 21 courant une conférence de presse devant le Parlement à Séoul pour condamner la bande des traîtres guidée par Park Geun-hye qui tente de disloquer de force le comité d'enquête spécial de la catastrophe du paquebot Séoul.